نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال إن شاء الله نتكلم عن موضوع الهداية وما يتعلق بها. طيب الهداية يا إخوان، كما نديك سيتي لا غيدي سيتي لا raison pour laquelle الله جل وعلا nous a créé. بعض السلف certains سلف disaient لازلت أسوق نفسي وهي تبكي حتى سقطها وهي تضحك. Certains salafs disaient, je ne cessais de conduire mon âme avec moi. Je ne cessais de la conduire avec moi. Alors qu'elle pleurait. Jusqu'à ce qu'est venu un temps où elle s'est mise à être heureuse. Ikhwan, l'islam est venu, l'islam c'est mukhatabat al-jism. L'islam est venu parler, entre guillemets, parler au corps. Ta prière, ces efforts que tu fais, ces génuflexions, ces rokours, ces sujoud, tout ça c'est ton corps qui bouge. Dans le hajj, c'est ton corps qui bouge. Ensuite il y a l'iman. L'iman qui est venu khatab l'aql. Et c'est pour ça qu'on a parlé de cette règle. Hein? C'est pour ça qu'on a parlé de la règle que al-aql al-sahih la yu'aridu al-naql al-sahih. La raison saine ne va pas en contradiction des textes. Et il y a la troisième chose, la troisième forme de mukhataba, de discours, qui est faite dans l'islam, c'est celle de l'ihsan. Et l'ihsan, ja'a yukhatib al-ruh. L'ihsan, la bienfaisance, c'est ce qui est venu khatab al-ruh, c'est-à-dire parler à ton âme. Une chose, l'islam parle à ton cœur, à ton corps, une autre parle à ton cœur et une autre parle à ton âme. وهذا السلف قد علم. Ce salaf a su et a compris ce qu'était le bonheur de l'âme, car il n'a cessé de la conduire avec lui jusqu'à ce qu'elle ait acquéri la joie. لذة العبادة. لذة العبادة, la joie dans l'adoration. Et c'est un des buts, inshallah, à atteindre dans la guidée. Et celui qui est, hier on a vu parler, on a parlé de trois hidayah. La première c'était hidayat al-amma, ensuite on a eu hidayat, certains l'appellent hidayat al-khassa, hidayat al-irshad, qui est la guidée par les livres et par les textes. Et si on parle de la guidée par les livres et par les textes, ça veut dire qu'on veut aussi donner l'importance des textes. Beaucoup de gens se réfèrent au salaf, beaucoup de gens se réfèrent à cette génération, mais pourtant, tu les vois, ils n'étudient pas et ils n'apprennent pas leur religion. Et ça, c'est un problème. Si toi, tu veux la guider, sache que tu vas la trouver, à travers les textes. D'où l'importance aussi du talab al-ilm. Il reste la troisième guidée qu'on a parlé, c'est hidayat al-tawfiq. Après que tu aies les textes et que tu aies raisonné, à la venue de ces textes, il reste cette guidée-là que Allah ne donne pas à tout le monde, c'est hidayat al-tawfiq. La guidée qui mène à la réussite. Celle-là, on en a parlé aussi. Il reste la quatrième forme de guider. وَهِيَ الْهِدَايَ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا. فَالْهِدَايَةُ إِلَى الْجَنَّةِ أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ عَنْ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ حِنَّ تَتِمُّ عَلَيْهِمُ النِّعْمَةِ بِدُخُولِهَا يَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Regardez la récompense de la guidée, que tu as eue dans cette vie-là. Si tu as été parmi les gagnants, tu as été comme ce salaf, tu n'as cessé de conduire ton âme que vers sa joie, eh bien, sache une chose, c'est que tu seras guidé aussi dans l'au-delà. Et que tu diras, Inch'Allah, aussi cette parole qu'on dit les gens en rentrant fil Jannah, Alhamdulillah illadhi hadana lihada. Louange à Allah. Louange à Allah qui nous a guidés à cela. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Même fil Jannah, ils reconnaîtront ce bienfait-là. Ils reconnaîtront le bienfait d'Allah, Jalla wa Ala, qui l'a guidé. نسأل الله أن يجمع هذه الوجوه كلها إلى الجنة في الجنة. Et pareil, il y a aussi l'autre guidée, celle qui est vers l'enfer. Comme Allah nous dit dans sourate As-Saffat, احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Saffat, rassemblez ceux qui ont été injustes, rassemblez ceux qui n'ont pas cru, et ceux qui ont traité de menteurs nos messagers, et qui ont traité de mensonges ces preuves qui leur sont venues, wa azwajahum, ainsi que leurs femmes et ceux qui les ont suivis, yani dans cette injustice, wa ma kanu ya'budun, et ceux qui adoraient. Ceux qu'ils adoraient, min dounillah, en dehors d'Allah, fahdouhum. Allah dira aux anges, fahdouhum, guidez-les vers l'enfer. Ila sirat il jahim. Ils auront un sirat, mais ce sera la voie qui va vers l'enfer. Et là, comme c'est venu dans plusieurs hadiths, ils railleront et ils pleureront et ils crieront comme des bêtes, crient lorsque on les emmène d'un endroit vers un autre. Nas'Allah al-afiyah. وإذا علم هذا العبد كله هذا كله تفكر في هذا الاسم العظيم الهادي. Si toi mon frère tu as su ce dont on vient parler, c'est-à-dire ce que comporte l'ism, le nom d'Allah qui est al-Hadi, tu dois alors savoir que tu es un vrai pauvre dans le sens ma'naoui, en sens yani la pauvreté sensorielle, la pauvreté, na'am, tu es pauvre amam Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Ya ikhwan, c'est Allah jalla wa ala qui nous parle d'au-dessus de ses sept yeux et qui nous dit ya ayyuhan nas, ô vous les humains, أنتم الفقراء إلى الله. C'est vous les pauvres auprès d'Allah. والله هو الغني الحميد. Et c'est Allah, lui, le riche et le digne de louange. Allah, il n'a pas besoin de toi, ya akhi. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. Celui qui suit la guidée, il la suit pour lui-même. Et celui qui s'égare, Allah n'a pas besoin de lui. Et il te dit que tu es pauvre. Allah, ya ayyuha an-nas, antum al-fuqara ila Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. In yasha' yudhhibkum, s'il voulait, il vous aurait tous fait périr. Wa ya'ti bi khalqin jadid, il serait venu avec une nouvelle création. Wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Et cela n'est pas chose difficile pour Allah. Et Cheikh l'Islam nous dit dans un long kalam, dans une longue parole, il nous dit que la guidée est une chose que tout serviteur est pauvre de cela. C'est-à-dire, tout serviteur a besoin de la guider. Et il dit que des fois, la personne, soit elle a fait une chose, comme il dit, « قَدْ أَتَاهَا عَلَى غَيْرَ الْهِدَايَةِ » Yani, Cheikh l'Islam, il dit que des fois, une personne peut faire une œuvre, mais il l'a fait sous la non-guidée. C'est-à-dire qu'il n'a pas été muwaffaq, il n'a pas réussi à œuvrer l'œuvre comme il le faut, comme c'est venu dans les textes. Ensuite, il dit, Cheikh l'Islam, fahuwa muhtajun ila tawba. Il te dit alors, Cheikh l'Islam, qu'il a besoin d'une tawba. Mais pour avoir une tawba, il faut être guidé. Dès qu'il faut demander aussi, la guider. ومن أمور قد أتاها على غير اله... نعم وأمور هدي إلى أصلها دون تفاصيلها. Et des fois, la personne elle a besoin également d'une autre forme de guider. C'est celle de, par exemple, de connaître l'islam. D'être entré dans l'islam, c'est une guidée. نعم. Mais ensuite, il faut connaître les détails de l'islam pour être bien guidé. Il te dit, alors celui-là aussi, celui qui rentre, qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qui devient musulman, il doit connaître maintenant l'islam bi tafasili, avec ses détails. Donc il a besoin là également aussi de guider. Et il nous compare, yani à chaque, dans chaque situation, il nous compare plusieurs, plusieurs situations dans lesquelles où le musulman, de toute façon, il a toujours. Toujours besoin de la guider. Wa nasallallahu al-thabat. Et à la fin, il dit de sa parole, il dit, et c'est pour cela qu'Allah nous a rendu obligatoire la demande de la guider. Et c'est celle que tu dis toujours dans cette sourate, sourate al-Fatiha, ihdina as-sirat al-mustaqim. Narja' ila fadl al-hidayah wa asbabiha wa al-ashya' allati tata'allaqu bil mawdu'. فمن أعظم النعم كما قلنا سابقا نعمة الهداية على العباد إلى هذا الدين الله سبحانه وتعالى donc parmi les meilleurs des bienfaits comme on a dit parmi les meilleurs des bienfaits qu'on a dit c'était celui de la guider et Allah nous a rappelé cela aux Arabes qui vivaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque il a dit jalla wa ala yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Il te rappelle ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dit ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Les Arabes, ils ont dit au prophète, alayhi salatu wassalam, nous sommes devenus musulmans, ou nous sommes devenus des croyants. Et vous savez qu'il y a plusieurs degrés dans la foi. Il y a le degré de l'islam, et il y a le degré de l'iman et il y a le degré de ihsan. Et ces gens-là, l'iman, c'est-à-dire la vraie foi, la foi qui est, de faire, qui est le fait de venir avec toutes les obligations et de délaisser tous les interdits, elle n'était pas encore bien rentrée dans leur cœur. C'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a rappelé ce bienfait-là à ces gens-là. Vous n'êtes pas vraiment des vrais croyants, vous êtes plutôt des gens qui sont... rentrer dans l'islam. Et ça prouve la grandeur de l'islam et de la guider. Car il y a trois darajat, comme vous savez, ظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُقْتَصِدْ وَسَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala également rappelle ce bienfait au prophète alayhi salatu wa salam en disant وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى dit au prophète عليه الصلاة والسلام, et c'est comme cela ou c'est ainsi que nous t'avons inspiré cet esprit de nous-mêmes. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان, et tu ne savais pas auparavant qu'est-ce qu'était le livre et tu ne savais pas qu'est-ce qu'était la foi. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا, mais nous l'avons certes rendu lumière. نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ, nous guidons à cette lumière qui nous voulons. مِنْ عِبَادِنَا, de nos serviteurs. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, et certes tu guides vers la voie droite. C'est quoi cette forme de guider? C'est quoi cette forme de guider? Al-Ijad ou al-Bayan. Alhamdulillah. Allah m'a appris ça. Masha'Allah. طيب روحا من امرنا الله سبحانه وتعالى يدي واوحينا اليك اوحينا اليك روحا من امرنا يعني un esprit dans ce Coran. En vérité c'est ce Coran qui revivifie les cœurs et qui revivifie les âmes. C'est pour ça que Allah il a appelé ruh. Ruh ça a le sens de vie ou d'esprit, hein? Pourquoi? Parce qu'il revivifie les cœurs, comme on dit, les ulama de tafsir. طيب et Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé aussi ce bienfait-là, le bienfait de la guider, à son prophète, alayhi salatu wassalam, dans un autre verset en disant « وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى » Il t'a trouvé, yani, je préfère directement arriver au tafsir du verset « وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى » أي « وَجَدَكَ لَا تَدْرِ مَا الْكِتَابِ وَلَا الْإِيمَانِ » Il t'a trouvé sans connaître, yani, sans science du livre, ni de la foi, « فَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ » Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. وَوَفَّقَكَ لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ Et il t'a guidé vers les plus grandes œuvres et les plus hauts comportements. وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي. Dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd, le prophète alayhi salatu wassalam rappelle aussi ce bienfait-là aux Ansar, les habitants de Médine, en leur disant « Ne vous ai-je pas trouvé perdu, égaré, et Allah vous a guidé par ma cause ?» Hatta qalat al-Ansar wa hiya ta'tarifu bi hadhihi an-ni'ma wa tashkuruha bi ajalli ash-shukr taqulu kama ja'a fi hadith al-Bara ibn 'Azib تقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. الله أكبر. Regardez ce que disaient les Ansar. Et c'était Al-Bara ibn Azib qui se souvenait aussi de cette ni'ma, de ce grand bienfait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné. Il disait, Allahumma, lawla anta mahtadayna. Oh Allah, sans toi, nous ne serons jamais guidés. Wala tasaddaqna wala sallayna. Et il dit ensuite, on n'aurait jamais fait de sadaqat et on n'aurait jamais fait de salat. Fa anzilan sakinatan alayna. Et c'était dans un moment de guerre. Et il demandait à Allah Jalla wa Ala de descendre une sakina, c'est-à-dire une sérénité sur eux. وثبت الأقدام إن لقينا. Et raffermis-nous pas si on rencontre l'ennemi. إن الأعداء قد بغوا علينا. Regardez, subhanallah. Il disait, certes, nos ennemis, ils se rebellent contre nous. إذا أرادوا فتنة أبينا. Et s'ils veulent cette fitna, c'est-à-dire nous rentrer dans leur shirk, abayna, c'est-à-dire nous refusons. Et avec ces abiyats, avec ces vers que disait Al-Bara ibn Azib, il a revivé, il a remis de la vie dans les cœurs des compagnons, alayhim ridwanullah, lorsque, dans les moments les plus difficiles. Et mon frère, c'est ce que je te conseille aussi. Dans les moments les plus difficiles, souviens-toi de la ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui ne sont pas guidés, qui sont égarés. Et toi, des fois, tu es éprouvé. Mais souviens-toi juste de cette ni'ma qu'Allah t'a donnée. Et que wallahi, cette ni'ma, Allah, il la donne pas à tout le monde. Allah, la dunya, la tusawi janaha ba'udha, indahu. Allah, subhanahu wa ta'ala, la dunya, elle ne vaut même pas l'aile d'un moustique. C'est rien aux yeux d'Allah, la dunya. Il la donne à tout le monde, aux kafirs comme aux musulmans. Walakin, wallahi, l'hidayah, il la donne pas à tout le monde. Essaye de te souvenir, mon frère, de ce bienfait-là. Et il y a des gens qui ont connu le bienfait de cette guidée. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous cite leur dua dans le Coran. Et vous savez que les dua dans le Coran, il faut méditer dessus. C'est salihin. qui disait et qui demandait thabat, qui demandait d'être raffermi par Allah en disant Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Il demandait ô Seigneur, n'égare pas nos cœurs. Ba'da idh hadaytana, après que tu nous aies guidés, wa hab lana min ladunka rahma, et donne-nous de ta part une miséricorde. Innaka antal wahhab, c'est toi certes le donateur. Est-ce que tu fais des doigts de thabat, mon frère? Est-ce que tu penses à cela? Est-ce que tu penses que tu vas être guidé toute ta vie? Wallah, on en a vu plus d'un sortir. Car, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai vu des gens, c'était des gens qui étaient droits dans leur religion. Et des savants disaient, ne t'étonne pas de la personne qui sort de l'islam. À cause des fitnas, à cause des choses qu'il y a, à cause des épreuves qu'il peut encourir ou qu'il peut avoir dans ce chemin-là. Il dit, ne t'étonne pas de la personne qui sort de la religion. Étonne-toi de celui qui reste. Étonne-toi de celui qui, avec malgré toutes ces fitnas et malgré toutes ces épreuves-là, il arrive à rester dans ce chemin jusqu'à ce qu'il rencontre Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qui prouvent aussi la grandeur de ce bienfait-là, c'est la parole d'Allah, où Allah dit « Oulaika ala hudam min rabbihim, wa oulaika humul muflihoun » Allah wasafa ahl al-hidayah bihada al-falah al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala a défini les gens de la guidée en disant que c'est des gens qui ont la réussite. Oulaika ala hudam min rabbihim, c'est certes eux qui sont sur la guidée de leur Seigneur. Wa oulaika humul muflihun, et c'est certes ceux-là qui ont réussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans le Coran qu'il n'y a que lui qui guide. Et quand tu sais cela, mon frère, quand tu sais qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, ça te rappelle que normalement tu dois avoir une relation avec Allah. Toi, Allah qui t'a guidé, tu dois avoir une relation avec lui. Car Allah, il s'adresse à toi. Dans ce verset-là, quand il dit « Wa yahdi, yahdi man yasha ila siratin mustaqim » Il guide qui il veut vers la voie droite. Et toi, tu fais partie des gens à qui Allah, il a donné la guidée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi sur la cette guidée-là, il dit aussi وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصِيَانِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Ibn al-Qayyim dit au sujet de ce verset وَخَاطَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à ses serviteurs croyants en disant Laula tawfiqi lakum, si ce n'était pas ma guidée vers laquelle vous vous êtes soumis, lama ad'anat nufusakum lil iman, si ce n'était pas ma guidée, vous ne seriez jamais soumis à cette foi là falam yakun lil iman بِمَشُورَتِكُمْ. L'iman, cette fois-là, c'était pas avec une consultation. Tu n'avais pas eu une consultation avec Allah. وَتَوْفِيقِ أَنفُسِكُمْ. Et ce n'est pas grâce aussi à toi-même. وَلَكِنِّي حَبَبْتُهُ إِلَيْكُمْ. وَلَكِنِّي. Mais je l'ai aimé pour vous. C'est Allah qui nous a aimé ça, mes frères. وَزَيَّنْتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Et j'ai aimé. Et j'ai embelli cela dans vos cœurs. وَكَرَهْتُ إِلَيْكُمْ ضِدَّهُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقِ. Et je vous ai fait détester le coufre et la mécréance et la perversité. Donc sache aussi ça, mon frère. C'est que toi, qu'est-ce que tu disais de l'islam? Qu'est-ce que tu disais des musulmans? Qu'est-ce que tu disais des gens qui avaient ces barbes, qui voulaient ressembler au prophète, alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce que tu disais de ces femmes qui se couvraient entièrement ou... Naam, qui se couvrait entièrement avec le hijab, qu'est-ce que tu disais de ça? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a retourné ton cœur, mais par une grâce de sa part. Il t'a pas consulté Allah, c'est lui qui te l'a donné. C'est comme si Allah il t'avait donné, c'est comme si, tu vois, si aujourd'hui on te donne une perle précieuse, Allah il t'a donné plus grand que ça. أشكر هذه النعمة نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجمع أن يجعل هذا الجمع ممن شكره اي ابن القيم رحمة الله عليه يدي أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو ألا يكلك الله إلى نفسك وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك ابن القيم يدي que les savants ont fait un consensus sur le fait que at-tawfiq, la réussite, la guidée, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas livré hein, à toi-même. Et que al-khidlan, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a abandonné à toi-même. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, la vraie guidée, c'est l'aide d'Allah sur toi-même. Et c'est pour ça que tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Les ulama ils ont dit que ce verset-là voudrait dire Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous appellerons l'aide, hein? Ay la a'buduk illa bi'awnik. Ce verset-là veut dire que je ne t'adorerai pas que si tu m'aides, ya Allah. Subhanallah al-'azim. Donc c'est avec l'aide d'Allah qu'on réussit à l'adorer, et c'est pour ça que quand on entend le mu'adhin qui dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Hayya ala salat, tu dis quoi? La hawla wa la quwata illa billah. Na'am, car tu n'as pas de force. La force, c'est Allah qui te la donne pour l'adorer. Wa ja'a fil hadith an Abi Bakrata radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, da'awatul makroub, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi. Comme c'est venu dans le dua, le hadith d'Abi Bakra, le dua du makroub, de celui qui est prouvé, qui est angoissé, hein, il disait le prophète alayhi salatu wassalam, Allahumma rahmataka arju, Allah, c'est ta miséricorde que j'espère, en ta miséricorde que j'espère, fala takelni ila nafsi tarfata'ayn, ne me laisse pas à mon âme, livrer à mon âme, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Et parmi les choses aussi qui nous prouvent la grandeur de cette guidée, Yéhwan, et pourquoi j'ai parlé beaucoup de la grandeur de la guidée, parce que c'est en souvenant de cette grandeur, du bienfait de la guidée, que cela est le plus grand des sababs et la plus grande des causes qui fait que, Inch'Allah ta'ala, tu seras parmi les bien guidés. Alors, il y a un dhan que l'insan, il y a une pensée que l'insan, que la personne a, c'est le fait de penser que s'il n'a pas eu d'argent, ou s'il n'a pas eu de bienfaits dans ce monde, ou de statut dans la société, eh bien il pense que c'est une humiliation d'Allah. Et Allah a rendu faux cette pensée, lorsque Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran, فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنَ. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, au sujet du serviteur, lorsqu'on lui donne, il dit alors, oh Allah m'a rempli de bienfaits. Et lorsqu'il ne lui donne pas, وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève de cette fortune-là, hein, il dit, oh Allah, Allah il m'a humilié. Mais sache une chose, mon frère, c'est que cette dunya, comme on va le voir, cette dunya, inshallah, cette dunya-là, la demeure d'ici-bas, c'est une cause de ta non-guidée. Ça peut être une cause de ton égarement. Et qu'Allah il nous en préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous prouver aussi la grandeur de la guidée, Allah a menacé d'une dure menace ceux qui étaient les savants qui étaient avant ceux venus dans l'islam et même ceux de l'islam avec ce verset-là, il a menacé les savants, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, d'une lourde menace pour celui qui voudrait d'entre eux cacher la guidée. Allah dit dans le Coran, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Allah nous dit dans le Coran, dans la traduction, certes ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guide après l'avoir exposé, nous en avons fait après l'exposé que nous avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que maudissent ceux qui maudissent. Et que les maudisseurs maudissent. Regarde, mon frère. La personne, les savants, ils ont une grande responsabilité. Leur responsabilité, c'est de montrer quoi ? De montrer la guidée. Et le fait de cacher cette guidée-là, si elle mérite comme châtiment la malédiction d'Allah Jalla wa Ala, alors ça prouve quoi ça? Ça prouve la grandeur de cette guidée. Sahalala. Ça prouve la grandeur de cette guidée. Et il y a d'autres versets qui nous parlent de cela. Et je ne vais pas les citer car le waqt, hein, il est très peu, wallahu alam. Encore une autre chose qui nous permet de savoir l'importance de la guidée, c'est qu'Allah Jalla wa Ala a donné deux tariqs, deux choix possibles, comme on l'a expliqué auparavant. Il a donné deux choix possibles à l'insan. C'est soit il reconnaît ce bienfait-là et cette guidée-là en faisant beaucoup d'adoration, ou soit il est ingrat. Inna hadaynahu sabila, imma shakiran wa imma kafura. Et l'autre chose aussi qui nous prouve et qui est en même temps une cause de la guidée, c'est l'islam. L'islam, c'est-à-dire le fait de se soumettre. Allah dit فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا. S'ils se sont soumis, certes, ils ont été bien guidés. Donc l'islam, la soumission, c'est dans ce sens-là qu'on parle, et même celui qui adopte aussi la religion de l'islam, c'est celui-là qui est bien guidé, par la preuve de ce verset-là. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Et sache aussi une chose, mon frère, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné une promesse pour ce qu'il s'agit de cette guidée, concernant cette guidée. C'est qu'Allah, dans tous les cas, mes frères, dans tous les cas, Allah va lever cette religion. Nous, peut-être qu'on ne verra pas son avènement, peut-être qu'on ne verra pas cela. Mais wallahi, thumma wallahi, inna wa'adallahi haqq. Sachez que la promesse d'Allah est juste et est véridique. Et Allah, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent combattre l'islam du matin au soir. Que ce soit dans les pays non musulmans ou musulmans. Wallahi al-azim, ils n'arriveront à rien. Pourquoi? Parce qu'Allah a décidé. Parce qu'Allah a décrété cette chose-là. Qui va élever sa parole. Il va l'élever, sa parole. Wala shakka fi dhalik. Allah, le prophète alayhi salatu wasalam, nous dit bada l'islam ghariba wa sayaudu ghariban kama bada. L'islam est venu étrangement et il va revenir étrangement. Subhanallah. Il y a un hadith aussi qui nous dit que l'islam rentrera dans tous les bouyoutes. Il rentrera dans toutes les maisons. Et aujourd'hui on le voit à travers les médias. Aujourd'hui, on le voit. L'islam, il est rentré partout. Et les grandes têtes pensantes, pensent jour et nuit à combattre cette religion. Et Allah, vous savez ce qu'il dit ? Allah, il dit « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. » Ça doit te refaire monter la foi, mon frère. Cette parole-là d'Allah qui te dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée, cette guidée, l'islam. Wadin al-haq est la religion de vérité. Liyudhirahu ala din kulli, afin de mettre cette religion-là au-dessus de toutes les autres. Walau kariha al-mushrikoun, et même si les polythéistes ou les associateurs ne le veulent pas. Parce que eux, ils veulent quoi? Ils veulent éteindre l'islam. Yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahim. Ils veulent éteindre la lumière, hein, d'Allah, Jalla wa Ala, avec quoi? Avec leur langue. Des médias sans cesse, t'allumes la radio contre l'islam. Tu regardes la télé contre l'islam. Iqsimu billah, j'ai pas peur de le dire ça. J'ai pas peur de dire ça, mes frères. Parce que ça suffit. Ça suffit. Va falloir que vous mettiez les mains dans les mains. Et luttiez pour faire quoi? Pour faire valoir vos droits de musulmans. Ne serait-ce que citoyen français. Sahoulala. Il y a des Français. C'est pas tout le monde qui va faire hijra. Il y a des gens qui vont rester ici. Et il y a des Français. Et ces Français-là, c'est nos frères. Et ceux-là aussi, vous devez vous mettre main dans la main avec eux pour montrer cette religion-là. Liyudhirahu ala din kulli. Afin de montrer, hein, afin de mettre cette religion au-dessus des autres. Allah, sans doute, il va lever cette religion. Et Allah nous dit aussi, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, hein, il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Et il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Et Allah nous dit que ces gens-là, qu'ils ont lutté contre l'islam, et qu'ils ont fait ce combat contre l'islam, il nous dit qu'ils vont regretter. Et ils vont vraiment, vraiment le regretter lorsqu'ils verront le adab, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces zalimin, ces injustes, qu'est-ce qu'ils diront lorsqu'ils verront le châtiment d'Allah? Il dit, hal ila maraddin min sabil, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin où on peut se sauver? Abadan. Allah leur a préparé un châtiment douloureux à ceux qui ont fait la guerre contre l'islam. Allah, il a préparé un châtiment douloureux. Et na'am, wa yastahiquna dhalik, et ils le méritent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle aussi ces gens-là, hein, qui regretteront, hein, qui regretteront les faits qu'ils ont faits dans cette vie-là contre cette religion-là. Allah, il dit dans le Coran, وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Et ceux qui se renflaient ou qui se remplissaient d'orgueil diront à ceux qu'ils considéraient comme faibles, est-ce nous qui vous avons repoussé de la guidée, de la bonne voie, après qu'elle vous est venue, mais vous étiez plutôt des criminels. Regardez comment que كلما دخلت أمة لعنت أختها, ça sera ça l'enfer. À chaque fois qu'il y aura une communauté qui va rentrer, elle va faire quoi? Elle va maudire. Elle va la maudire et elle va maudire sa sœur, c'est-à-dire sa semblable. À chaque fois ça va être comme ça. يتبرؤون بينهم, ils vont se désavouer. Ah non, c'est toi qui m'as dit de faire ça. Ah non, c'est toi qui m'as dit de faire ça. Ah Allah, rajoute-lui du adab. Ah Allah, fais-lui ça à cause de lui. Ça y est, c'est fini. Les udhr, ils sont finis. Les excuses, elles ne seront pas acceptées ce jour-là. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يهدينا سوى السبيل. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de son châtiment et qu'Allah nous fasse tous mourir musulmans. On a parlé de la première étape qui était quoi? Qui était le rôle que jouaient les trois grands rôles ou les trois éléments dans la guidée, c'est lequel? Le premier, c'est Al-Aql. Non, c'est pas le guidé. Al-Aql. Le deuxième, on a dit que c'était quoi? C'était tout ce qu'on a parlé là. Tout ça, c'est des preuves qui nous prouvent l'importance de la guidée. D'accord? Et qui sont quoi? Qui sont les textes. Donc, tu as d'abord Al-Aql, la raison, les textes. D'accord? Il reste quoi? Il reste un facteur, ou il reste un rôle important qui est une des plus grandes causes de la guidée. C'est ce qu'on appelle Al-Fitra. Al-Fitra, ils ont dit que c'était, ils l'ont traduit par la première nature, Al-Fitra. Al-Fitra, Si tu veux connaître vraiment c'est quoi la fitra, prends un enfant qui est né dans le désert et qui n'a jamais connu, hein, qui n'a jamais connu les médias ou ceux qui pourraient pourrir son cœur et son esprit. Tu lui viens, tu lui dis, est-ce qu'il est possible que c'est pas un Dieu qui écrit ce monde-là? Qu'est-ce qu'il va te dire, celui qui est à la fitra? Il ne va pas accepter ça. Il va dire, non, c'est obligé que c'est un Dieu qui a créé ce monde-là. C'est pour ça que tu vois en campagne, souvent ils ont plus la fitra, en campagne, les gens paysans, ils ont plus souvent la fitra que d'autres personnes qui sont complètement corrompues moralement. Et la fitra, Allah, il en a parlé dans le Coran. Et ça fait encore partie de sa justice. Ça fait partie encore de ses faveurs qu'Allah il a donné à l'insan. Il lui a donné l'aql et il lui a donné aussi le fitra. Et Allah il dit dans le Coran, فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dirige ton être, dirige ton visage, yani, littéralement c'est ton visage, mais ça veut dire dirige tout ton être pour Allah. Telle est la nature, le fitra, hein? Telle est la nature qu'Allah a originellement donné aux hommes, pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Allah, Jalla wa ala, mes frères, il nous a guidés, wa hadha ni'ma minhu, Jalla wa ala, hein, avec donc les preuves, les textes, plus ce aql qui a médité. Mais on a dit que c'était quel aql? C'est la raison saine. Et il restait quoi? Il restait avant ça la fitra, la première nature. فَإِذَا صَلُحَتْ هَذِهِ الْفِطْرَ صَلُحَ الْإِسْلَامُ كُلُّهُ. Si cette fitra-là était pure dès le départ, son islam va être bon à cette personne-là. وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَإِنْشَاءَ اللَّهُ الْآنَ الْمَوْضُوعِ الَّذِي هُوَ عُنْوَانِ. Après cette longue introduction, on va parler brèvement des causes de la guidée, inshallah ta'ala, si Allah nous le facilite. La première cause de la guidée. السبب الأول الدعاء. قال الله تعالى فادعوني استجب لكم. Allah a dit de quoi? ادعوني استجب لكم. Ça c'est la première cause de la guidée. Et vous avez cette dua 17 fois par jour dans le Fatiha. Ihdina sirat al-mustaqim. Et vous savez tous que le prophète alayhi salatu wassalam, un jour il a fait une dua pour la kabila de Daous. La kabila de Daous, c'est une kabila des Arabes. Il a dit Allahumma hidi Daousan. Il a dit oh Allah, guide Daous. Et cette kabila est venue à l'islam. Subhanallah al-Azim. Donc la dua fait partie de quoi? Fait partie des causes de la guidée. Et le prophète alayhi salatu wassalam demandait la guidée aux autres. Il demandait aussi la guidée pour lui-même lorsque il disait dans la dua d'iftitah, lorsqu'il faisait la prière, il disait ihdini limakhtulifa fihi min al-haqq bi'idnik innaka. Il demandait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a guidé dans du'a l'iftitah de la salat. Et dans un hadith rapporté par Tirmidhi et qui est sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Rabbi a'inni wa la ta'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkur li wa la tamkur alayya, wahdini al-shahid. Al-shahid, de quoi on veut parler, c'est lorsqu'il a dit wahdini wa yassir al-huda. Lis et facilite-moi la guider. Le prophète, le meilleur des khalq, la meilleure des créatures, alayhi salatu wa salam, il demandait la guider. Bel kana akthar du'a'ihi, Allahumma ya munqalib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Mais plutôt, la dua qu'il faisait le plus, le prophète, alayhi salatu wa salam, comme c'est venu dans le hadith, dans le Bukhari, c'était cette parole qui disait, Allahumma ya munqalib al-qulub, ô Allah, toi qui apaises les cœurs, hein, tranquillise mon cœur, thabbit qalbi ala dinik, dans ta religion, yani rafferme mon cœur dans ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait, alors que Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés antérieurs et futurs. Subhanallah. Ça doit être, hein, ça doit être une ayah pour nous. Ça doit être un signe pour nous. S'il est le meilleur des créatures, demander dua, alors qu'est-ce qu'il en est de nous? C'est pour ça aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire dua. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati. سيدخلون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. الله a ordonné qu'on l'invoque. Et ensuite il a dit que ceux qui se remplissaient d'orgueil de par rapport à cette adoration, hein, Allah subhanahu wa ta'ala les rentrera humiliés en enfer. Qu'Allah nous en protège tous. Et dans le hadith qudsi que vous connaissez tous, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ibadi كلكم ضال كلكم ضال الا من هديته, sauf celui, ô mes serviteurs, vous êtes tous quoi, vous êtes tous égarés, الا من هديته, يعني sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, et sauf que ceux que j'ai guidé. Donc fastahduni, hein, dans le hadith il est dit fastahduni, c'est-à-dire demandez-moi à la guider, ahdikum, je vous guiderai. D'accord? Donc dans ce hadith là, dans le hadith de ya ibadi, ce hadith qudsi, il y a donc le fait de demander à la guider. Et le prophète alayhi salatu wassalam apprenait cette dua à al-Hussein. Il lui disait, c'est la dua du Qunut que normalement tous connaissaient. Il disait, dis à Hussein, قل اللهم اهدينا في من هديت, اللهم اهديني في من هديت, وعافينا في من عافيت, وتولنا في من توليت, وبارك لنا فيما اعطيت, وقينا شر ما قضيت. شاهد, ce qu'on veut dire c'est quoi? اللهم اهدينا في من هديت. C'est ce passage là qui nous, hein, dans lequel on veut attirer l'attention. D'accord? Donc il y a cette dua là. Et si tu remarques bien, cette dua elle est faite quand? Elle est faite quand? Elle est faite l'huître, pendant le ramadan. Elle est faite pendant l'huître. Ouais, elle est faite aussi pendant le ramadan. Taïb. Et ça, les frères, il y a une chose là-dedans. Elle est faite quand? C'est quand que tu fais l'huître? Ça te prouve l'importance de quoi? L'importance de quoi? La prière de la nuit, ça. Hein? Comme c'est venu dans le hadith, Jibril, wa'alam anna sharaf al-mu'min, qiyamuhu, Billayl, hein, et sache, Jibril a dit au prophète Aïssalam que le sharaf, c'est-à-dire la dignité ou l'honneur du croyant, il est dans quoi? Il est dans sa prière la nuit. Et si on remarque bien, si tu fais le witr, que ce soit au début de la nuit ou à la fin de la nuit, tu es tout seul avec qui? Avec Allah Jalla wa'ala. Et ça te prouve l'importance de Qiyam al-Layl. Et ça te prouve aussi l'importance de demander la dua. Et ça te prouve aussi l'importance, hein, du lien que tu dois avoir avec Allah. Al-Huda, ya ikhwan, al-Huda, la guider, c'est une forme d'ittiba'. C'est une forme de quoi? D'ittiba', de suivi. D'accord? Pourquoi je dis ça? Il y a plusieurs versets qui nous le prouvent. Wa qala alladhi amana, ya qawmi, ittabi'uni, ahdikum sabil al-rashad. Suivez-moi, je vous guiderai vers quoi? Je vous guiderai vers la meilleure des voies. D'accord? Ça prouve quoi? Ça prouve que la guider en elle-même, c'est quoi? C'est un suivi. Alors toi, tu suis. Là, t'as-t-à-dire. Toi, tu ne ramènes pas quelque chose de jadid. Toi, tu suis. Tu suis le prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Ça? Suivez-moi. Donc la guider en elle-même, c'est un suivi. Il faut pas t'étonner si toi, toute ta vie, tu suis. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Je suis. Faut pas t'étonner ça. Pourquoi? Parce que la guider en elle-même, c'est un suivi. Et parmi les autres choses qui nous prouvent ou qui sont des causes de la guider, on a dit d'abord la dua. As-sabab al-thani al-iman billahi wa ayati. La foi en Allah ainsi que ses signes ou ses versets. Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ. Allah nous dit dans le Coran, et celui qui croit en Allah, Allah guidera son cœur. Naam. Donc celui qui a cru, Allah le guidera. Celui qui a cru en Allah, Allah le guidera. Remarquez, est-ce que C'est lequel des pires entre les deux? Celui qui croit qu'il n'y a pas de Dieu et qui se dit athée? Ou celui qui croit qu'il y a un Dieu, mais il ne sait pas c'est quoi le chemin à suivre? C'est lequel des pires? C'est le deuxième, ça, halala. Et celui-là, wallah, et plus sa foi elle est forte en Allah, plus Allah va le guider. Subhanallah. Insallah min fadli. Allahumma hdina ya rabbal alamin. Et aussi, une autre forme, Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous dit, dans un autre verset pour prouver ce que je viens de dire, Allah nous dit, وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Tu n'es pas celui qui guide les aveugles hors de leur égarement. Tu ne fais entendre que ceux qui croient, que ceux qui croient en nos versets. Celui qui croit au verset d'Allah, il est guidé. Et qui sont alors entièrement soumis. Donc ce verset-là nous prouve quoi? Nous prouve que la foi en ces signes et en ces versets, Allah Jalla wa'ala, est une cause de la guider. La troisième cause, al-i'tisam. Al-i'tisam, c'est l'attachement, le fait de s'attacher. Le fait de s'attacher à quoi? À la religion, au din. Et tout, vous verrez toujours tamassouk, ya'tassim, na'am, yatamassak, ya'tassim, wa kadhalika, plusieurs choses, hein, ou l'islam, ou l'istislam, etc. Tous vont dans le même sens. Pourquoi? Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, veut nous dire, yani, que le sens de la soumission, hein, même si c'est des synonymes des fois, le sens de la soumission est très important dans l'islam. L'i'tisam. L'i'tisam, Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et celui qui s'attache à Allah ou avec Allah, na'am, فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, il sera certes guidé, hein, vers la voie rectiligne. السَّبَبُ الرَّابِعُ, la quatrième, c'est ça? La quatrième cause. الْإِكْثَارُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتِلَاوَتُهُ وَتَدَبُّرُهُ فَهَذَا يَخْوَانُ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ أَوْ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ. Parmi les plus grands, parmi les plus grandes choses et les plus grandes causes de la guidée, c'est la lecture du Coran. C'est la lecture du Coran ainsi que la lecture avec méditation. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Et certes, ce Coran guide vers la meilleure des voies. Et Allah aussi dit dans le Coran, qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Allah nous dit dans le Coran, et dit que le Coran est pour ceux qui ont cru en ce livre, hein, dit que c'est une guidée ainsi que une guérison. طيب. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Ça prouve que le Coran est une guidée. Donc mes frères, ceux qui se disent et qui veulent ressembler aussi au salaf, comment ça se fait que des fois on trouve le Coran chez lui et il l'a jamais ouvert, ou il l'ouvre que pendant le Ramadan? C'est un problème ça. Moi, qu'est-ce que j'aime entendre un frère qui a lu dans un tafsir et qui me ramène une faïda d'un tafsir, et qui me ramène une leçon à tirer d'un verset. Des fois, on est assis pendant 2 heures, 3 heures, on mange, on rigole, etc. Pas une seule parole sur le livre d'Allah. Pas une seule faïda. Pas une seule leçon. Et on se dit de la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'on doit être les meilleurs exemples. Allah musta'an. As-salallahu wa fiqna li kulli khair. Qu'Allah nous pardonne. السبب الخامس, le cinquième سبب, العلم النافع, la science utile. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la science était une guidée. Et le prophète عليه الصلاة والسلام dit dans le hadith sahih, من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Donc celui qui emprunte une voie, hein, pour le talab al-ilm, pour la science, Allah lui facilitera le paradis. Et celui dont qui lui a été facilité le paradis, il est clair qu'il a été guidé. Naam. Taïb. السبب السادس السيزيام الاسترجاع عند المصيبة le fait الاسترجاع c'est quoi c'est le fait de dire إن لله وإن إليه راجعون et c'est pour ça que je vous ai parlé de quoi dans des moments durs qu'il faut souvenir de quoi de la ni'ma d'Allah de la ni'ma de la guider صح hein الاسترجاع عند المصيبة le fait de dire Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, qui veut dire nous sommes à Allah et c'est vers lui qu'on reviendra. Hein? Ça, tu le dis lorsqu'il t'arrive une épreuve. Car le prophète, car Allah jalla wa ala dit Alladhina idha asabathum musiba, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma, wa ulaika humul muflihun ou muhtadun? Muhtadun. Ah, parce qu'il est là, le shahad. Muhtadun, na'am. Donc Allah nous dit, ceux à qui leur arrive, lorsque les touche une épreuve, ils disent, nous sommes à Allah, et c'est vers lui que nous reviendrons. Nous reviendrons, rions, c'est ça, hein? Reviendrions, bon, français, comme je dis. Oulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma. Ceux-là recevront, ou ceux-là reçoivent les bénédictions de leur Seigneur, wa rahma ainsi qu'une clémence ou une miséricorde wa ulaika humul muhtadun et cela c'est cela les bien guidés et wallah et souviens-toi ya akhi si tu dis cette parole et qu'il t'arrive une musiba sache qu'Allah il va te guider as-sabab as-sab' le septième husnul istima' le fait de quoi de bien entendre de bien prêter l'oreille husnul istima' Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الله سبحانه وتعالى nous dit ceux يعني qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur ce qu'elle contient de meilleur cette parole là il nous dit Allah سبحانه وتعالى أولئك الذين هداهم الله c'est certes cela que Allah subhanahu wa ta'ala guidera وأولئك هم أولو الألباب et c'est certes cela qui sont quoi qui sont des gens doués d'intelligence alors Cheikh Saadi nous dit dans son tafsir فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي اجتنابه فلهذا كان ما من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه il nous dit Cheikh Saadi, que ceux-là qui entendent, hein, ou plutôt qui prêtent à l'oreille à la bonne parole, la parole d'Allah, en vérité, quand il dit فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ ils suivent ce qu'elle contient de meilleur. Alors, il y a eu plusieurs. Il y a deux sens à bien comprendre dans ce verset-là. C'est ce qu'elle contient de meilleur, ça veut dire quoi? Soit ils suivent les ordres d'Allah. Et ils ne suivent pas ou ils se détournent des interdits d'Allah, ça c'est une manière de le comprendre, na'am. Ou soit, comme il le dit, wa ahsanuhu 'ala al-itlaq wa ahsanahu 'ala al-itlaq wa kalam rasulih sallallahu alayhi wa sallam, kama qala fi hadhihi as-sura, Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani wa ispiki. Donc, ou soit le ahsana, le meilleur de cette parole-là, c'est quoi? C'est tout le Coran. Mais seulement, il filtre. Quoi. Yani, c'est-à-dire, il suivent les ils suivent quoi? Aidez-moi un peu les frères, fatigués. Naam, Mamouim, vous l'avez compris. Mais concentrez-vous bien sur ce verset. Il dit, Cheikh Saadi, qu'en vérité, il y a un lien entre ce verset-là et un autre verset. Mais ça, subhanallah, je l'ai lu ce matin, j'étais étonné. Il dit qu'il y a un lien entre ce verset-là et l'autre verset. Regardez Allah qui dit. Il dit Alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Il y a comme si. Il y a, tout de suite, la question elle vient tout de suite. Elle dit c'est quoi ahsana? Sah halala? La meilleure des paroles, c'est quoi ici? Eh bien, Allah, plus loin dans le Coran, yani plus loin dans une page plus loin, il dit qu'il y a un lien avec ce verset-là. Hein, et c'est le verset qui vient juste après qui dit quoi? Qui dit Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani. Je ne vais pas tout vous expliquer ce qu'il a dit. C'est comme si tu disais c'est ulul albab, c'est-à-dire ces gens qu'ils ont été qualifiés de doués d'intelligence, ces gens qui sont bien guidés, mais c'est qui ces gens-là? Et c'est qui suit la meilleure parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah, il le dit dans des versets un peu plus loin, en disant, Ahsana, c'est quoi? C'est cet autre verset qui vient expliquer l'autre en disant, Allahu nazzala ahsana al-hadith. كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Ce verset qui nous dit Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre guide d'Allah par lequel il guide qui il veut, mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Ya ikhwan, ce verset dit que min alamat al-hidayah, parmi les signes de la guidée, c'est le fait de quoi? Le fait de frissonner à l'entente, ou plutôt à l'écoute de la parole de ton Seigneur. Hier, il t'écoute le Coran, il ne te fait pas frissonner. T'écoutes le Coran, pendant tout le Ramadan, tu n'as pas pleuré une seule fois. Hier, cherche, comme il dit Hassan Basri, cherche-toi un cœur. Si tu n'as pas trouvé dans le Coran, ni dans la salat, ni dans le dhikr, une ladda, une joie, un plaisir, elle dit, va te chercher un cœur. وَمَا أَكْثَرَ النَّاسَ الَّذِينَ لَا تَقْشَعِرُّ جُلُودُهُمْ عِنْدَ سَمَعِ الْقُرْآنِ اللَّهُ مُسْتَعَانِ. Alors il écrit, il est 14h20, ça veut dire quoi ça? Je coupe? Pourquoi je coupe? Si j'ai pas envie. اللَّهُ مُسْتَعَانِ. Vous avez faim? Vous avez plus faim. Alors, il y a deux formes de faim. Il y a la faim ma'nawiya et il y a la faim quoi? Et jismi, na'am. Alors, qui c'est qui a faim ma'nawi? La faim sensorielle. La faim de science. Qui c'est qui a ça? Hein? Vous êtes tous déplacés quand même pour ça. Vous croyez que je suis venu, j'ai fait je ne sais pas combien de kilomètres pour... Hein? Dites. Hein? Qui c'est qui a faim, qui a envie de manger encore? On ne fait que de manger dans ce bled, subhanallah al-azim. Vous n'avez pas marre, hein? Le talab al-ilm, c'est quoi le but aussi? C'est qu'il se fatigue un peu, il hisse le ta'ab. Ouais, depuis tout à l'heure, je transpire, moi. Ça, oh là là. Alhamdulillah, inshallah, inshallah, yiktub al-ajr. Donc, vous ne mangez pas. Inshallah, vous allez manger bientôt. Attendez, je finis, vite fait. Hein? Parce qu'à chaque fois, je fais des muhadara, à la fin, je suis oublié de... Hein? Quoi? Ah ouais, ça, Dawin, on a invité. Mais même, c'est pas grave. Taïb. Ils vont patienter, Inch'Allah. Taïb. Mashallah. Il a voulu me rappeler un hadith, on est Madawin. Bah, on va attendre, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ce verset-là, c'est un des signes de quoi? De la guider. Et dans cette même surah, ya ikhwan, dans cette même surah, qu'est-ce qu'elle est belle, cette surah, subhanallah. Dans cette même surah, il y a un autre verset où il nous ramène, c'est quoi la guidée? Ou plutôt, encore le fadl de la guidée. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Est-ce que celui dont Allah ouvre sa poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur est meilleur, yani sous-entendu dans le verset, est meilleur ou est-ce celui qui est resté mécréant? Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre leur appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes frères, Ahmadullah azza wa jal ala hadha al-islam wa Ahmadullah azza wa jal ala hadha al-khair ala hadhihi al- نعم على هذه النعمة يدمندي الله جل وعلا qu'il vous raffermisse. Et moi je vous demanderai une chose inshallah, c'est que في ظهر الغيب Je sais qu'il y a un khilaf hein, qui est connu sur le fait de faire dua derrière, plutôt de faire dua, de demander à autrui une dua. Et moi, c'est ce que je fais là. Et Inch'Allah, ahsibukum mina salihin. Inch'Allah, je pense de vous du bien. Et je sais que peut-être qu'il y en a un, wallahu alam, il a un pied fil jannah, qui est parmi vous. Moi, je vous demanderai une chose. C'est qu'Inch'Allah, vous faites dua pour moi et pour tous vos frères, que ce majma' ici, que cette jama'a ici, tous, on se rencontre fil jannah. Inch'Allah. Tous pensez ça au witr. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et j'ai pas terminé. Zoumar. Tayyib. J'ai dit un truc là, Moustad. Bon. Ben. Très courtement, Inch'Allah, les choses qui nous séparent de la guidée ou les obstacles de la guidée. S'il y a l'ilm, il y a quoi? Quoi? Parle, l'akhi. Je comprends pas, moi. Vas-y, parle. Mais allez, si on est entre frères. Non, ça y est, moi. Je finis là, là. Inch'Allah, je finis là. Heureusement, vous n'avez pas compris. Hein. Mais vous avez compris quand même, Maghreb, ça? Eh ben non, ça ne marchera pas. Hein? Comme ça, ils ne vont pas m'oublier. Et comme ça, ils vont nous faire dua. Alors, donc, le contraire de la science, c'est quoi? C'est le jahl. Le jahl, ya ikhwan, ça fait partie des plus grands obstacles qu'il y a entre toi et la guidée. Vous avez suivi ou pas? Taïb, notez-le celui-là. Taïb. L'autre encore, adamul ahliya. C'est-à-dire le fait que la non-préparation. Alors, pourquoi je vous parle de la non-préparation? Parce que Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il nous a donné un fasl, un chapitre dans Al-Fawaid. Et il parle de quoi? De At-Takhliya ou At-Tahliya. At-Takhliya, c'est le fait d'enlever une chose. Et At-Tahliya, le fait de remplir cette chose qui était vide. Vous avez compris ça? Alors, lorsque tu dis La ilaha illallah, quand tu dis La ilaha, qu'est-ce que tu as enlevé? Tu as enlevé toutes les fausses divinités. Et tu as rentré qui? Allah. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc ton cœur, il faut bien le préparer. C'est-à-dire, il faut bien enlever ce qu'il y a comme fausse croyance et rentrer la bonne croyance. D'où l'importance aussi de quoi? D'autres bel'in. Vous m'avez suivi ou pas? Vous avez compris ça ou pas? Donc, la non-préparation, Adam al-Ahliya, il faut vraiment hein, vider son cœur de toute chose. Il faut préparer son cœur nettoyer le plus possible pour être guidé et qu'Allah nous le facilite. L'autre chose encore, c'est comme une terre. On ne va pas vous donner plusieurs exemples. C'est comme une terre. La terre, si elle est trop sèche, hein, il faut la préparer, la labourer, etc. pour qu'il y ait quelque chose. Et nous, Allah Musta'an, pour que le Coran ait un effet sur nous, il faut déjà qu'on le lise. Et nous, nos cœurs, non seulement ils sont comme ça, illa ma rahima rabbi, en tout cas je parle pour moi, et ensuite il faut l'arroser. Toi, tu ne peux pas prendre par exemple un mécanicien. Hein, il vient avec sa blouse, il ne peut pas venir mettre un kamis blanc comme ça et il dit je suis propre. Ça, là, là. Il ne peut pas, il faut qu'il nettoie l'intérieur. Ça, là, là, pour dire qu'il est propre. On a été combien? Deuxième? Troisième? Le hasad. La jalousie, Ikhwan. La jalousie, ya Ikhwan. La jalousie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dua. Allahumma na'udhu bika min al-hasad. D'accord? On va être très court. Inch'Allah, on ne va pas vous sortir tous les dalils. Ça risque d'être vraiment très long. Taïb. Ensuite, vous avez aussi le combien là? Le quatrième. Ça? Quatrième. Quatrième, vous avez l'amour du pouvoir. L'amour du pouvoir, hubriyasa, l'amour du fait d'être un chef d'État, truc. Comme Hiraql, lisez le premier hadith dans quoi? Dans le Bukhari, vous avez l'histoire de Héraclès. Dans l'histoire d'Héraclès, qu'est-ce qu'il dit à un moment à Héraclès? Qu'est-ce qu'il dit à Abu Sufyan? Il lui dit فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ هَاتَيْنِ وَلَوْ أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ. سبحان الله العظيم. Alors, suivez bien qu'est-ce qu'il a dit Héraclès. Héraclès, lorsqu'Abu Sufyan lui est venu et lui a défini c'était qui le prophète, alayhi salatu wassalam, Héraclès, il a deviné tout de suite que c'était un prophète. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui avait de la science. D'où la cause de la guider, la science. Vous avez compris? Et regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, si ce que tu me dis là est vrai, et il dit, sache une chose, c'est qu'il va, il va avoir le pouvoir en dessous de mes pieds. C'est-à-dire qu'il va avoir le pouvoir, son pouvoir va s'étendre jusqu'à mes pieds. Allahu Akbar. Héraclès disait ça. Il dit, et si je savais, et si, si j'aurais pu faire ce que je peux pour aller à sa rencontre, je l'aurais fait. Et si j'étais chez lui, chez ce prophète-là, sallallahu alayhi wa sallam, je lui aurais lavé les pieds. Et c'est quoi qui l'empêchait? C'est son pouvoir. Il est parti, il a fait une mouchawara, c'est-à-dire une consultation avec ses, valets, ou avec ses, comment on appelle ça, hein? Mohim, ses premiers ministres, Kimathab, hein, avec sa jante de criminel. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a consultés et il est ressorti en disant non, il garde le pouvoir. Il a préféré le pouvoir à quoi? À l'islam. Donc dis-toi, toi, Ahmadullah, que tu n'as pas une grande place dans la société, car cette grande place de la société pourrait faire que tabi'u dinak bi'aradin mi'aradid dunya, hein, que tu vendes, hein, cette place-là pour ton islam. Il y a aussi le cinquième, c'est ça? Le cinquième, shahwa wal mal, les passions et l'argent. Les passions et l'argent, et ça, vous avez plusieurs exemples, inshallah. Le sixième, le fait d'aimer trop ses proches et d'aimer trop sa famille. Ça aussi, c'est un obstacle de la guider, car na'am, et le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré l'exemple avec qui? Avec Abu Talib, hein? Abu Talib, qui lui, comment dire, le prophète alayhi salam disait, ya am, qul la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Mais les personnes qui étaient autour de lui, hein, et sa famille, lui ont dit, ala millati Abdul Muttalib. Il dit, meurs sur la religion de qui? De Abdul Muttalib, de tes ancêtres. Et ensuite, il a songé, et ces sentiments-là l'ont emporté, et il a préféré mourir dans la religion de ses ancêtres. Wallahu al-musta'an. Barakallahu fikum. Wa asallahu azza wa jal an yajma'ana jami'an fil jannah. Wa an yatuba alayna wa an yataqabbal minna hadhihi al-a'mal. Wa an yaj'alana mimman yastami'u al-qawla fayattabi'una ahsana. Je vous remercie donc tous. Je remercie le frère Kamel d'un grand choukr. Lui ainsi que sa famille, ainsi que Abbas, ainsi que notre frère Soufiane, qui va se charger de tous les doros de cet après-midi. Maintenant, moi, je vais faire l'écoute, Inch'Allah. Je remercie le frère Khaled, hein, qui nous a conduit jusqu'ici. Qu'Allah le récompense. Qu'Allah récompense aussi Fethi. Qu'Allah récompense Al-Hajj Madani, c'est ça? Madani. Qu'Allah le récompense aussi. Hein, qu'Allah récompense les organisateurs et ceux qui ont facilité cette rencontre. Qu'Allah il les récompense tous et qu'Allah il nous rassemble avec eux fi Jannat al-Firdaws. Wa idha sa'altum al-Janna fas'alu Firdaws. Demandez al-Firdaws. Dis pas ya Allah donne-moi al-Janna. Dis al-Firdaws. Allah il va te donner le mieux. Subhanallah. Barakallahu fikum.